Un dépistage de stupéfiants peut être effectué sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans un accident matériel. Oui, réponse C. Non, réponse D.